8-4, observation et discrimination auditive, prononciation, tutu, toutou. Écoutez. Marie-Laure a un tutu. Tante Georgette a un toutou. Notez que les voyelles dans tutu sont très différentes des voyelles dans toutou. Vous allez entendre des phrases qui parlent soit de tutu, soit de toutou. Pour chaque phrase que vous entendez, indiquez si elle parle de tutu ou de toutou. 1. Oh, le beau tutu! 2. Oh, le beau toutou! 3. Oui, c'est un joli toutou. 4. C'est un joli tutu. 5. Où est mon toutou? 6. Où est mon tutu? 7. Tu as vu mon toutou? 8. Ton toutou ne va pas bien. 9. Ton tutu ne te va pas. 10. Les tutus blancs sont mieux. 11. Je préfère les tutus blancs. 12. Moi, je préfère les toutous blancs.